Alors, vous êtes de retour à, nous sommes de retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1. Et François, tu vas maintenant nous faire un retour sur Félix Baumgartner, l'homme qui a franchi le mur du son et qui a battu le record de saut le record du monde du saut en chute libre. Alors oui Valérie, on n'en avait pas encore parlé à Futur Simple et je pense qu'en fait on pouvait pas passer à côté. Alors l'exploit a eu lieu dimanche le 14 octobre dernier. L'Autrichien de 43 ans a battu 3 nouveaux records. Il est le premier homme à avoir franchi le mur du son en chute libre. Il bat le record du saut le plus haut à 39 045 mètres d'altitude. Et il bat également le record de l'altitude la plus élevée jamais atteinte par un homme en ballon, parce qu'on sait qu'il s'est élancé dans le ciel du Nouveau-Mexique depuis un ballon gonflé à l'hélium. Seulement pour te donner une idée, alors c'est une altitude environ 4 fois plus grande que celle à laquelle volent les grands transporteurs commerciaux long courrier, qui eux volent à environ 10 000 mètres d'altitude. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui est assez haut, là. Il est à noter, cependant, que dans les faits, contrairement à ce que tu as dit en ouverture, Baumgartner n'a pas battu le record, mais ça, c'est vraiment dans les faits, là. Baumgartner n'a pas battu le record en chute libre. En fait, celui-ci remonte au 16 août 1960 et a été réalisé par le colonel Joseph Kittinger. Ce pilote de la US Air Force avait sauté d'une altitude de 31 333 mètres, atteignant une vitesse évalué à plus de Mach 0,9, et sa chute libre avait duré 4 minutes et 32 secondes, alors que celle de Baumgartner a duré pendant 4 minutes et 19 secondes, donc quelques secondes de moins. Cependant, le record de Kittinger n'a pas été homologué, étant donné que sa chute libre avait été stoppée à cause de la procédure d'urgence. Le record sera donc officiellement attribué à Baumgartner parce qu'il a déclenché lui-même son parachute. Donc effectivement, il y a eu une petite subtilité, mais donc au total, donc il y a eu la chute libre, mais il y a aussi eu le saut, la fin de du saut en parachute. Oui. Donc au total, combien de temps a duré le saut? Bon, chute alors, plus, oui, effectivement, et c'est incroyable parce que le saut a duré 9 minutes et 3 secondes précisément, et en détail, ben, c'est 4 minutes 19 secondes pour en chute libre et 4 minutes 44 secondes faites en parachute au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Donc, c'est à peu près le même temps, mais dans un cas, il a franchi à peu près 33,5 km et dans l'autre cas, 1,5 km. Mm-hmm. Alors, il aurait franchi le mur du son après 33 secondes en chute libre et aurait atteint une vitesse maximale de 1342,8 km/h. Et dis-moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que le déploiement du parachute était automatique ou est-ce qu'il l'a lui-même actionné? Bon, en situation normale, non. Baumgartner a déployé son parachute principal en appuyant pendant 3 secondes sur un bouton qui était en fait situé sur son gant droit. C'est ce qu'il a fait à 1500 mètres d'altitude. Mais s'il en avait été empêché pour une raison ou pour une autre, ben, un système autonome aurait pris le relais pour déclencher le parachute de secours à 610 mètres du sol. C'est quand même précisément, incroyable. Précisément, 610 mètres? Oui, étant donné qu'il est parti quand même de 39 km. Ouais. Autrement dit, avec franchi quasiment presque 100% de la distance. C'est ça. Puis j'imagine qu'il fallait un système automatique parce qu'il doit bien avoir quelques risques quand même, peut-être pas qu'il perde connaissance, par exemple, s'il n'avait pas pu contrôler sa rotation dans l'espace. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on avait prévu un bouton d'urgence au cas où tout aurait mal tourné? Oui, la combinaison que portait Félix Baumgartner disposait d'un système de déploiement automatique de son parachute s'il avait été soumis pendant plus de 6 secondes consécutives à une accélération de 3,5 G. Mm-hmm. Parce que le fait de subir une telle accélération, bon, n'est pas dangereuse en soi. En fait, on sait que les pilotes de dragster encaissent souvent plus de 5 G, mais une telle accélération peut entraîner des conséquences irréversibles sur le cerveau, même causer la mort, si elle dure trop longtemps. Mais en fait, c'était un risque très bien calculé dans son cas parce que seule la force à laquelle il était soumis était la force gravitationnelle, ouais, c'est-à-dire 1G. Alors, il n'y avait pas d'hélice ni de turbine ou de... Pour compliquer le calcul, c'est ça, ouais. En fait, d'accrocher dans le dos pour le faire accélérer davantage. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que Félix Baumgartner devait sauter à cette hauteur, à 39 km de haut? Bon, alors j'imagine que comme tout bon sportif, c'est sûr qu'il voulait battre le record du monde du saut en altitude. Mais il voulait surtout être le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. En fait, Il a ainsi atteint 1342,8 km/h, comme je le disais tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire une fois et quart la vitesse de propagation du son dans l'air, ou si vous préférez, Mach 1.24. Parce que, en fait, la raison pour laquelle il a réussi à faire ça, c'est parce que, en fait, il a été très peu freiné par la stratosphère. Mm-hmm. Et on sait qu'à cette hauteur, il y a presque plus d'air, donc il y a très peu de résistance causée par l'air. En fait, c'est vrai. La stratosphère est la couche de l'atmosphère terrestre qui s'étend de 10 à 50 km environ de la Terre, et elle est très peu dense. La densité de l'air dans la stratosphère est de 0,015 kg d'air par mètre cube, relativement à 1,225 kg par mètre cube dans la troposphère, c'est-à-dire la basse couche de l'atmosphère entre le niveau de la mer et une dizaine de kilomètres d'altitude, donc c'est-à-dire là où on vit, là. Donc, l'air y est 80 fois moins dense qu'au niveau de la mer. C'est quand même 82 fois moins dense qu'au niveau de la mer. C'est donc beaucoup, là. Et pour la même raison, ben, des objets peuvent se déplacer à des vitesses incroyablement élevées dans l'espace, car ils sont très peu freinés par le milieu ambiant, en fait, dans lequel ils se déplacent. Mm-hmm. Et dis-moi, il y a une question que je me pose aussi, en fait, pourquoi Félix Baumgartner n'a pas tout simplement flotté dans l'espace après avoir sauté? Ben, parce que pour flotter dans l'espace ou être en état d'apesanteur, en fait, il faut être en orbite. C'est-à-dire être en rotation autour de la Terre à une vitesse minimale de 28 000 km/h. Bon, alors il faut donc avoir une vitesse horizontale pour échapper à la gravité terrestre, comme la Lune qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors Baumgartner, lui, a sauté d'une nacelle, donc d'un point fixe qui n'avait pas de vitesse horizontale. Et la capsule, elle est devenue quoi? La capsule est déjà revenue sur Terre après que l'Autrichien ait sauté de la nacelle. Celle-ci s'est détachée du ballon d'hélium. La commande a été donnée à distance par des ingénieurs de la salle de contrôle. La capsule a alors commencé à tomber vers la Terre et a été freinée par son propre parachute. Celui-ci était partiellement déployé pendant la première phase de la chute, sur environ 30 km, puis s'est totalement ouvert en pénétrant dans l'atmosphère plus dense. Mm-hmm. Au moment du contact avec le sol, la vitesse de la capsule avait été réduite à environ 22 km/h, ce qui est quand même assez lent. La capsule a été retrouvée par l'équipe du projet à 88 km de son point de départ grâce au GPS qu'elle contenait. Alors, d'où l'intérêt d'avoir réalisé l'exploit dans un désert. Et on va abréger vite parce que le temps passe là, mais finalement, il y a plein de choses intéressantes sur ce saut. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment était constituée la combinaison de Baumgartner et comment finalement il a supporté le vide et tout? Oui, alors sa combinaison servait à le maintenir en vie, c'est-à-dire à lui fournir de la chaleur, de l'oxygène et à l'empêcher d'exploser. En fait, elle était conçue sur le modèle de celle des pilotes de chasse, faite d'une matière ignifuge et isolante, pouvant résistait à des températures allant jusqu'à moins 68 degrés Celsius. Alors, c'était aussi une combinaison pressurisée à 0,6 kg par centimètre carré. Ça représente à peu près 60% de la pression sur Terre. Et, bon, en fait, ce qui était important, c'est que la pression était extrêmement importante parce que sans cette pression artificielle, ben les fluides de son corps n'auraient pas pu rester à l'état liquide et se serait mis à bouillir spontanément à la température de son corps, c'est-à-dire 37 degrés. Donc la pressurisation de la combinaison était vitale. La combinaison possédait également son propre système de refroidissement et de chauffage, entre autres pour en fait enlever la buée dans sa visière. Et deux bonbonnes de gaz lui fournissaient l'oxygène nécessaire. Alors, c'est d'ailleurs la même société qui a conçu la combinaison de Joe Kittinger, qui était en fait du précédent record du plus haut saut dans le vide en 1960, qui était aussi le coach de Félix Baumgartner lors de cette expérience. Ah ben, ça a uni les deux histoires alors. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Merci beaucoup, François, pour tous ces détails techniques qui nous ont permis de mieux comprendre comment un tel exploit technique a été possible. Et j'imagine que c'est aussi parce qu'il comprenait lui-même tous ces détails qu'il a eu le courage de réaliser ses exploits. Oui, c'est un fait, parce que ça a pris Alors voilà, c'est sur cette chute libre que se termine l'émission.